Puis on se défend. J'avais dit en plus. Et hey, t'es en forme toi. Ben non, je suis pas trop en forme, j'ai trop fait la teuf mardi en fait. Mardi, on a grave fait la teuf, c'était les 40 ans de Julien. Et c'était pas vraiment prévu, mais je t'avais dit qu'on ferait un ninja et tout ça. Et donc on n'a pas appuyé sur le bouton ninja au final. Et il y a Julien Noyer, mon pote, qui est venu faire du mapping et des projections sur un support en 3D. Et c'était trop beau. Et ouais, et il y a